56. La copie et le marché. Lu par Poussinsane. La copie et le marché. Dans l'univers numérique, les industries culturelles vont très loin dans la quête de la rareté, bien plus loin que la situation en vigueur dans le monde physique. Le pouvoir de contrôle absolu conféré par les systèmes de DRM leur donne la possibilité de s'attaquer à des usages très courants, comme le prêt, le don ou la revente d'une œuvre. Comme le fait remarquer l'économiste François Lévesque, la version numérique d'une œuvre n'aura jamais d'autonomie par rapport au droit d'auteur. Une fois le livre acheté, il est possible de le prêter ou de le donner en toute légalité. Ce n'est pas le cas d'un logiciel acheté sous licence nominale. Ainsi, sur le plan juridique, les technologies de l'information ont pour effet de renforcer le monopole légal conféré par le droit d'auteur. La technologie leur permet ainsi de créer ou capter des marchés qui leur échappaient, comme ceux de l'échange ou de l'occasion. Mieux, certains projets de DRM envisagent de nous transformer en mini-disquaires en offrant la possibilité de copier des œuvres pour autrui, mais avec un mécanisme de paiement à la clé. Cette logique est en fait légitimée par un tour de passe-passe dialectique autour de la notion de défaillance du marché, market failure. Selon cette doctrine, la liberté que nous avions d'emprunter des livres ou des disques ne relevait pas d'un choix de société, mais de l'impossibilité de faire autrement. Il s'agit d'une défaillance du marché, et la technologie peut enfin la corriger. S'en serait donc terminé de la notion de copie privée, selon laquelle la reproduction d'une œuvre pour son usage personnel est légale. Si celle-ci est encore tolérée, nous dit-on, c'est parce qu'il est impossible de mettre un policier dans chaque appartement pour l'interdire. La copie privée, introduite à cause d'une défaillance du marché, devrait indubitablement être supprimée là où l'application de technologies de DRM est capable de corriger cette défaillance, écrit ainsi Nick Garnett, l'un des nombreux consultants pour les industries culturelles. Le chef du bureau du copyright à l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, OMPI, tient le même discours. Et les documents officiels de la Commission européenne sont truffés de références aux market failures dans ce domaine. On imagine jusqu'où une telle logique peut aller. Après tout, si personne ne paie pour chanter sous sa douche, n'est-ce pas là un exemple des défaillances de marché ? Une puce greffée sur chacun devrait y mettre au bon ordre. Les technologies des systèmes de DRM, encore balbutiantes, sont loin d'être au point. Mais le projet qui les sous-entend est bien plus vaste que la simple lutte contre la copie sauvage de musique sur le réseau. Ces technologies portent en germe le contrôle des usages des œuvres au même titre que celui de l'accès à celles-ci. Aujourd'hui, il est possible de lire un livre une ou mille fois, d'écouter un disque à l'infini, et l'on peut même en hériter. L'œuvre n'est achetée qu'une fois, mais l'abondance caractérise les usages de celle-ci. Avec les systèmes de DRM, les titulaires de droits peuvent mettre un terme à cette situation et ajouter la rareté des usages à celle de l'accès. Il suffit de rendre le livre illisible après une lecture, par exemple. La technologie permet de s'attaquer à la sphère privée, refuge historique des accès gratuits et non marchands. Avec les DRM, on se dirige tout droit vers une civilisation en pay-per-view, où les commerçants de la culture ne vendent plus des œuvres, mais du temps de consommation culturelle.